être heureux, ça fait partie de l'émotion mentale, ça fait partie de l'illusion cosmique que l'homme recherche, qu'il a toujours essayé de chercher pendant des millénaires. On lui a donné, on lui a dit, bon ben, si tu t'en vas vers la spiritualité onctueuse, le mysticisme, tu seras heureux. Le gars, il est rendu là-dedans, il a monté les gaviers, il monte et monte et monte. Le type est rendu sur le haut des Himalayas, il monte encore, il monte, il monte. Et on dit alors, si tu fais de bonnes affaires, tu seras heureux. Là, il essaie de faire de bonnes affaires, à 45 ans, il tape le cardiaque. Être heureux. Vous savez, qu'est-ce que c'est notre problème? Le problème de l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle sur notre planète, c'est que nous croyons à des mots qui nous ont été soufflés pendant des millénaires par des hommes, par des sociétés, par des gouvernements, par des philosophes, par des écrivains, par des penseurs, par des religions, par des systèmes, par des métaphysiques, par toutes sortes de conneries. Pendant des siècles, nous croyons. Donc, naturellement, nous venons au monde, nous grandissons, nous avons des parents qui nous parlent du bonheur, nous avons l'école qui nous parle du bonheur, et ainsi de suite. Et nous nous apercevons 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, nous cherchons encore le bonheur. C'est idiot! Les hommes cherchent le bonheur pendant des siècles et des siècles, c'est de l'idiotie! Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'individualisation de l'intelligence dans l'homme. Jamais l'homme n'a été suffisamment dans son intelligence pour regarder le mot bonheur, pour regarder le mot ceci, le mot cela, et contester les mots. Les hommes doivent un jour, de par leur intelligence créative, contester les mots, parce que les mots font partie de l'évolution, ils ne font pas partie de l'évolution. Et pourquoi nous ne sommes pas capables de contester les mots? Parce que les mots dans notre mental sont connectés à notre émotion. Nous vivons avec les mots de l'émotivité, nous changeons tous les mots, nous sommes tous troublés dans l'émotivité. Un jour, l'homme sera obligé de faire sauter le temple des mots pour se construire la cathédrale de la liberté psychique de son mental. Et s'il ne fait pas ceci, il sera obligé de vivre les conséquences thermiques du poids extraordinaire de notre civilisation. Il ne pourra pas se rendre libre, même des forces qui cherchent à atterrir l'homme, parce que lui-même sera trop prisonnier, trop mesmérisé, trop hypnotisé par l'émotion dans son mental. Et c'est ça le problème de l'homme. L'homme, la première règle du jeu dans la nouvelle évolution de la conscience cosmique sur la Terre, c'est d'apprécier sur l'homme individuellement, non en relation avec des maîtres qui parlent ou des hommes qui parlent, mais en relation avec eux-mêmes. Être capable d'avoir la force mentale de faire trembler l'émotion dans le mot afin d'éliminer de la forme mentale d'un mot ce qui le sécurise d'une façon ridicule. Et quand les hommes seront capables de faire ceci, ils auront de la gueule comme moi j'ai de la gueule, ils auront de la parole comme moi j'ai de la parole, parce que tous les hommes ont de la parole, tous les hommes ont de l'intelligence, tous les hommes sont vibrants à une force cosmique qui les tient ensemble, mais les hommes ne vivent pas suffisamment de leurs énergies, donc de quoi vivent-ils? Ils vivent de la mémoire, ils vivent de la mémoire de la civilisation, ils vivent de la mémoire de l'éducation, de la mémoire des parents, ils vivent de la mémoire des proverbes. Et à la fin du 20e siècle, nous sommes prêts à envoyer des scouts dans la Lune, nous sommes prêts à faire sauter la tombe, et nous avons des âmes sur la Terre en Afrique qui sont encore à l'âge de la pierre. C'est de la stupidité. Si l'homme n'apprend pas dans le temps à contester dans son mental la valeur des mots qui a été posée dans son esprit par des millénaires d'expérience, par tous les moyens qui font partie de l'évolution, qui ont fait partie de ces mécanismes qui ont guidé l'humanité. L'homme n'a plus besoin d'être guidé. Il n'a plus besoin d'être téléguidé. Il doit se guider lui-même. Et c'est ça la nouvelle évolution, c'est ça l'homme nouveau, et ça, ça se fera dans l'homme lui-même. 1, 2, 3, 4, 10, 100 000, 100 000, ce seront des individus à part totale, à part égale, qui auront la capacité de vivre leur énergie, mais qui respecteront les hommes qui, pour des raisons thermiques, doivent attendre 200 ans, 400 ans, 500 ans, 2500 ans pour en arriver à avoir une conscience réelle, c'est-à-dire pour en arriver un jour à vivre la conscience de l'énergomane. C'est-à-dire l'homme qui est parfaitement dans son énergie, l'homme qui est capable de scientifiser le mental, scientifiser l'esprit et rendre à la matière son dû comme il doit rendre à l'esprit sa puissance. et non pas la qualité morale, émotive, mystique qui fait partie du mémorial qui a été institué pour le passé, mais non plus pour l'avenir. Alors, vous voyez l'argent peut-être comme, comme une énergie plutôt qu'un pouvoir pour l'homme nouveau? Pour l'homme nouveau, l'argent sera une énergie, ce ne sera plus un pouvoir. Ce sera une énergie. Tout est énergie. La forme de l'argent, c'est une énergie. La forme intérieure de notre actualisation, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Mais nous faisons de l'énergie une forme, nous nous attrons à la forme, nous polluons la forme, et avec les âges, les expériences, les révolutions, les martyrs d'un certain grand homme, nous finissons lourdement, après des siècles, à atteindre un certain niveau de civilisation qui encore est assujetti à la botte princière de la décadence. Pendant des siècles, il y a eu des hommes qui sont morts dans les révolutions, des hommes qui sont morts pour des idées. Ce sont les morts qui font avancer les vivants. Un jour, il faut que ça cesse. Un jour, il faut que les vivants fassent avancer les morts. Un jour, il faut que les vivants fassent avancer la science. Il faut que les vivants fassent avancer l'art. Mais ceci, ça ne peut pas se faire si l'homme cède un mental qui est collé au mémoriel collectif. Moi, je parle de la façon dont je parle, non pas parce que je suis à l'université. Je parle de la façon dont je parle parce que j'ai souffert du mémoriel. J'ai épuisé le mémoriel. J'ai fait sauter le mémoriel. Je suis allé aux confins du mental de l'homme pour expliquer à l'homme les limites de la conscience mémorielle afin qu'il puisse un jour en arriver sur le rivage de sa propre océanicité, de son propre pouvoir. L'homme, c'est un dieu. L'homme, c'est l'expression dans la matière de ce qui est le plus beau, le plus grand dans le cosmos, le plus complexe. Mais il doit passer des cycles. D'accord. La minerie, les Atlantes, les racines européennes, et à la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, la sixième race, racine de l'homme, et il n'y a pas de force sur la Terre qui peuvent empêcher la formation d'une race. Il peut y avoir des forces sur la Terre qui peuvent empêcher l'évolution, le travail d'un homme, mais il n'y a pas de force sur une planète qui peuvent empêcher l'évolution, le développement d'une race, parce qu'une race n'est jamais créée par les hommes. Elle est toujours créée par les forces de la lumière dans l'homme, qui un jour, lorsque c'est le temps, dans leur temps, font éclater les parois de l'ambiguïté pour créer une nouvelle civilisation. Et ce fut ainsi d'ailleurs, ça fait partie des lois cosmiques, ça fait partie des lois de l'évolution, autant de la matière, du temps, de l'animal, de l'homme et du sera, ça fait partie de l'évolution du cosmos. Et ce que l'homme verra après ceci, dans ces temps-là, il sera prêt à le voir, il sera prêt à travailler avec. Mais il n'y aura plus sur la terre de pauvreté. Les gouvernements se rassembleront ensemble. Il y aura de la volonté politique. Et cette volonté politique, elle ne pourra plus être dédoublée parce que les hommes, à cause de leur souffrance, de leur expérience, verront. Vous savez, aujourd'hui, dans le gouvernement, les gouvernements ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Les hommes d'État ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Il y a l'opinion publique. On regarde, on étudie. Hein? Ça, c'est aujourd'hui. Imaginez-vous dans 20 ans, 25 ans, 30 ans. Après la fin du cycle, laissez-moi vous dire que les hommes seront seront moins avides de doctrine, seront moins avides d'idéologie. Ils voudront la paix sur leur planète et ils feront tout pour l'avoir. Quelle qualité devrait avoir l'homme nouveau pour utiliser l'énergie de l'argent sans la dévier vers un pouvoir qui assujettit les autres? L'homme nouveau ne peut pas avoir accès à de l'argent facilement, parce que l'homme nouveau doit être d'abord épuré de la valeur émotionnelle, mentale, psychologique, sécurité de l'argent. L'homme ancien peut avoir accès à de l'argent rapidement, pour toutes sortes de raisons, mais l'homme nouveau ne peut pas, parce qu'il est régi par une force en lui qui conditionne son avoir, et petit à petit qui l'amène créativement à un avoir plus égalitaire. Ça fait des années avant qu'un homme nouveau en arrive à pouvoir réellement sentir qu'il n'est plus dans la survie. Et pendant que vous parlez de l'argent, je vais vous dire une chose. Nous avons parlé pendant des siècles de notre survie. Que ce soit la survie spirituelle de l'homme, ou psychologique de l'homme, ou que ce soit la survie matérielle, la survie, c'est un affront à l'intelligence de l'homme. Je parle à l'esprit de l'homme. C'est un affront. Mais pour que l'homme en arrive à contrôler, à dominer les forces planétaires qui sont très puissantes. Regardez dans vos astrologies, regardez quand un astrologue vous dit, mais monsieur, vous avez un carré de telle constitution, de tel mois, de telle année, de telle année, vous allez voir que vous ne pouvez pas sortir de ce carré. Les forces planétaires sont puissantes et elles vous étreignent dans une situation de vie qui est déjà composée avant votre naissance et que vous vivez ensuite à la naissance. Et l'homme doit un jour être capable de faire sauter ce carré. L'homme doit un jour être capable, par sa volonté et son intelligence, reculer les forces planétaires qui influent sur son mental, qui influent sur son émotionnel, qui influent sur sa vie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut commencer à récupérer ce qui, dans le passé, lui était retenu. La vie de l'homme nouveau, c'est une vie initiatique. L'homme nouveau, les hommes nouveaux, tous les hommes nouveaux, que ce soit à la fin du XXe siècle ou que ce soit à l'an 2500, les nouveaux seront obligés de vivre dans leur conscience la disparition du mémoriel psychologique pour ne garder que le mémoriel nécessaire à leur vie matérielle pour qu'ils puissent entreprendre la grande entrée dans le mémoriel cosmique. Donc ces hommes seront obligés de vivre une transformation. Et vous ne pouvez pas vivre de transformation. Si vous êtes riche, un homme qui est en transformation solaire n'est pas intéressé à la richesse. Moi, je sais, je l'ai vécu en 69. Moi, j'ai eu des hommes durant ma vie qui m'ont approché avec de la finance pour me faire faire ci, me faire faire ça. Et je n'étais aucunement intéressé parce que je n'avais pas la vibration. Mais si tu n'as pas la vibration, cette énergie, elle est tellement forte qu'elle te coupe, temporairement du matériel, de la même façon qu'elle te coupe du spirituel purement mystique, ignorant. Donc l'énergie, elle fonctionne sur les deux plans. Les hommes nouveaux verront dans l'expérience que l'énergie en eux les coupe, les sépare, les aliène de la valeur psychologique du matériel et les aliène de la valeur psychologique du spirituel pour qu'ils épuisent ces valeurs qui sont purement fausses afin qu'ils en arrivent un jour à un nouvel équilibre. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, l'homme nouveau en arrivera à une certaine abondance avec le temps, dans le temps de son énergie, mais toujours en fonction de son intelligence et de sa volonté. Il y a une relation directe entre l'intelligence créative de l'homme et sa volonté, et entre l'intelligence créative en lui et son intelligence dynamique et sa volonté. Et ce qui manque à l'homme, c'est de l'intelligence et de la volonté réelle. Je ne parle pas de l'intelligence académique ou de la volonté subjective. Je parle d'une force en lui qui est capable de renverser le statu quo de sa vie. Et l'homme apprendra que ça se développe ceci. Mais il n'y a pas de méthode de ceci, ça fait partie de l'intégration de l'homme. Il y a un certain temps, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas aller dans une école pour apprendre ceci. C'est pas comme aller chez Eaton pour acheter une livre de Bible. Comment se fait-il, vous avez peut-être certainement remarqué, que les riches ne s'interrogent jamais sur un sens à donner éventuellement à la vie, mais que ce sont toujours les pauvres qui font cette démarche-là, qui cherchent un sens à la vie? Question intéressante. Parce que les riches ont déjà quelque chose, tandis que les pauvres n'ont rien. Ils essaient. Si vous avez quelque chose, ben vous avez déjà quelque chose. Ils vont s'interroger plus tard, 45, 50 ans, quand ils commencent à avoir la retraite, ils perdent leurs enfants, ils se retournent un peu vers le crucifix, et ainsi de suite. Là, on commence à se voir. Et comment léguer leur testament là? Parce qu'ils n'ont plus la vivacité créative inconsciente de leur jeunesse. Donc les riches commencent à être mûrisés à un certain âge, ils ont un certain aplomb. Tandis que les pauvres, eux, ils n'ont jamais l'aplomb. Ils sont toujours dans la merde. Ils naissent dans la merde. Qu'est-ce que c'est le proverbe? On est pour un petit pain, on finit par un petit pain. Ce sont même les Français qui ont dit ça. Ah, s'il y a quelque chose de stupide qui me révolte, c'est ça. On est pour un petit pain. Les Hindous, c'est la même chose. J'ai un petit pain, je reste avec un petit. Alors, si tu commences à croire à ceci, ben évidemment, tu finis avec un petit pain. Ou avec le nirvana. Ou avec le nirvana. Le nirvana, ben, c'est un gros pain spirituel. Une autre sorte de pain. Moi, je suis un homme en révolte. Je n'ai pas besoin des psychologues ou des psychiatres pour me dire que je suis un révolté. Je suis un homme en révolte. une révolte intelligente, si vous voulez. Une révolte dans ce sens, une révolte contre la vie. Moi, je ne suis pas en révolte contre l'homme ou contre la société, contre la richesse ou la pauvreté. Je suis en révolte contre l'évolution. Je suis en révolte contre l'ignorance. Je suis en révolte absolument contre l'ignorance. L'ignorance, pour moi, me fait vibrer à un point tel que, heureusement, que je me sépare, je m'éloigne, je m'isole un peu dans ma famille, dans ma maison, pour ne pas trop vivre ce que je vois à l'extérieur, parce que je souffrirai trop. Mais ça, c'est de l'intelligence. Quand tu es intelligent, tu te protèges. Mais si tu as le cœur ouvert sur le monde, tu as le cœur ouvert sur les Éthiopies, tu as le cœur ouvert sur les gens qui se font périr, tu as le cœur ouvert sur tout le monde, mais tu finis par le cœur ouvert. La première chose que tu sais, ça commence à couler. La première chose que tu sais, c'est que toi, tu deviens malade, tu perds ton sang, tu perds de l'énergie. Et je sais qu'il y a des gens. Et vous savez ce qui me révolte? Ce qui me révolte, c'est que les pauvres sont sensibles. Ils sont sensibles. C'est pour ça qu'ils sont pauvres, d'ailleurs. Hein? Ils sont pauvres, ils sont sensibles. Et leur sensibilité, au lieu de lui servir, elle les dessert. Qu'est-ce que c'est de la sensibilité? De la sensibilité, c'est une émotion spirituelle. C'est beau, c'est grand, ça fait partie de l'évolution. Moi aussi, je suis sensible. Seulement que je ne me fais pas souffrir par ma sensibilité. Il y a eu des années où j'ai souffert de ma sensibilité, naturellement, parce que à cause de la fusion. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé, j'ai compris, et on me l'a fait comprendre, que la sensibilité, ça fait partie de l'évolution de l'émotion. Et l'homme doit, puisque nous parlons du pauvre, il y a plus de pauvres que de riches, on n'a pas tellement à s'occuper des riches, mais les pauvres, surtout les pauvres dans le monde occidental, qui pleurent sur les pauvres dans le monde oriental, parce qu'il y a une moitié du monde qui est entre l'autre, hein? Et ces pauvres-là, qui souvent vont donner de leur dernier sou pour changer la situation mondiale. Moi, je connais un scientifique de première classe dans le monde, un homme très connu. Et lui, heureusement qu'il a changé, il l'a compris. Son dada spirituel, c'était d'aller dans différents pays du monde où il y avait des problèmes de guerre. Israël, Liban, Afghanistan. Il partait là avec deux, trois amis, il faisait de la méditation pour arrêter la guerre. Vous pensez que trois hommes ensemble font de la méditation, ça va arrêter les guerres? Ça, c'est l'astral en eux qui dit ça. Mais quand le gars il a reçu une balle dans la fesse, il a pris l'avion, il est venu à New York. Heureusement qu'il a eu la balle dans la fesse. Ça l'a réveillé, parce que ça a une balle comme ça réveille dans la fesse. Aujourd'hui, s'il médite, c'est au club méditerranéen. Là, il médite au club méditerranéen. Il faut, vous savez, de l'intelligence. Nous ne savons pas encore. Nous sommes au début de l'ère de l'intelligence. Nous sommes au début. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Nous allons le découvrir au cours des siècles parce que cette énergie va s'imprimer de plus en plus dans le mental humain. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que c'est. Nous avons à travailler avec cette énergie de plus en plus. Et avec le temps, nous avons une vision suffisamment équitable de cette énergie. Nous sommes capables de travailler avec elle. Mais ça prend des années. Parce que de l'intelligence est une énergie. Ce n'est pas du mémoriel. Le mémoriel, ça sert. À un niveau de l'intelligence, ça sert à un autre niveau, c'est créatif de l'intelligence. Tandis que du mémorial, c'est simplement constructif. Et les hommes auront à apprendre, je parle des hommes nouveaux, qu'ils soient de n'importe quel pays, ils auront à apprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Et ils le sauront. Ils le sauront, parce que ça se sait, ça se vit, c'est interne. Et ceux qui seront les plus évolués sur le plan du mental pourront même être en communication télépathique avec cette énergie. Et je vous assure que quand un homme est en communication télépathique avec cette énergie, il ne se pose plus de questions. On parlait tout à l'heure du sens à donner ou à ne pas donner à la vie, en tout cas de cette recherche, de cette quête. Et suivant que l'homme soit polarisé, pessimiste ou optimiste, j'ai entendu des choses de ce genre-là. Pas plus tard que cette semaine, une personne me disait que pour elle, après avoir longtemps cherché un sens à la vie, elle en est arrivée à la conclusion que la Terre était le dépotoir des âmes de la galaxie. Bon, la guerre est le dépotoir des âmes de la galaxie. Ça, c'est de l'ésotérisme. Qu'est-ce que ça va changer dans votre lunch? Qu'est-ce que ça va ajouter? Vous savez, il y a des gens qui me demandent pourquoi, M. Bernard, vous ne parlez pas plus occultement. Vous ne parlez pas de l'âme, de la mort, du système cosmique, papa. Je dis, parce que, qu'est-ce que ça va vous donner tout de suite? Qu'est-ce que ça me fout, moi, de savoir qu'une comète, c'est une énergie qui apporte, dans le fin fond du cosmos, des âmes mortes qui ont été détruites par les hauts tribunaux intergalactiques? Qu'est-ce que ça fout dans mon lunch? Hein? Il me faut, les gens, et je suis content que vous ameniez ceci, parce que je sais qu'au Québec, nous avons une population ésotérique, et nous sommes très fiers, nous sommes très contents de ça, parce que c'est très bon, c'est un fond qui permet d'aller plus loin. Mais un jour, les Québécois ésotériques, occultes, devront réaliser qu'il n'y a, dans ce que nous appelons les mystères de la vie, de valeur, que lorsque l'homme peut aller dans ces mondes de par son propre moyen, de par son propre esprit, et de travailler avec les intelligences dans ces mondes. Mais si vous êtes obligés de vivre en dehors de ces mondes, dans un monde purement matériel, et que vous n'attachez d'importance à ces mondes que par la voie philosophique, ou métaphysique, ou ésotérique, par la voie de la force, vous perdez votre temps. Éventuellement, vous perdez votre temps. Effectivement, ces formes, ces sciences vous amènent quelque part. Elles vous préparent émotivement, spirituellement à aller plus loin. Mais un jour, vous serez allé plus loin. Vous serez obligé d'aller plus loin. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Aller plus loin pour un ésotériste ou un occultiste ou quelqu'un qui s'interroge sur la métaphysique des choses. Aller plus loin pour un tel homme, et je vous assure que je le sais de ma propre filière, c'est de cesser de s'intéresser à ceci et de s'occuper de sa vie ici. C'est ce que je voulais savoir. Vous-même, vous ne cherchez pas particulièrement à définir ou à donner un sens à la vie. Vous la vivez? Je vis la vie. Je suis capable d'expliquer la vie, les choses de la vie, l'occulte de la vie, les mystères de la vie, le tralala de la vie, effectivement, à cause de ma fusion. Mais moi, personnellement, je vis dans le vide. C'est-à-dire que je vis dans le plein de mon énergie. Je m'occupe de vivre. Je m'occupe de ma femme, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de peinturer ma maison, je m'occupe d'avoir des relations avec des amis, je m'occupe de manger chez quelqu'un, je m'occupe d'aller au restaurant, je ne m'occupe pas de savoir si la comète allait va faire sauter notre planète. Mais inquiétez-vous pas, elle ne va pas sauter, nous. Il y aura toujours des prophètes de malheur qui vous diront qu'elle va sauter. Parce que l'homme joue. Il ne peut pas faire autrement. L'homme, il est fasciné par l'occulte. L'homme, il est fasciné. Vous savez pourquoi il est fasciné, l'homme? Par l'invisible, les choses de la vie. Parce qu'il n'est pas fasciné par lui-même. Si l'homme était fasciné par son énergie, fasciné par ce qu'il peut faire, par ce qu'il peut rendre dans la vie, il ne serait pas fasciné par ceci. La fascination de l'homme, c'est de l'hypnose cosmique. C'est de l'hypnose. Si vous regardez, si vous êtes d'accord sur le principe qu'il n'y a aucune science ésotérique dans le monde qui peut se superimposer parfaitement sur une autre, qu'il n'y a pas une école qui peut se superimposer sur une autre et former une grande école ésotérique universelle, pourquoi il n'y en aura jamais? Cherchez pas l'universalité dans l'ésotérisme ou l'occultisme, parce que les hommes veulent toujours s'enrichir. Ils veulent garder le pouvoir. Les hommes qui sont à la tête des écoles, ils veulent garder le pouvoir sur leurs ouailles. C'est ça qui crée les sectes, c'est normal, ça fait partie de l'évolution. L'homme nouveau sera en dehors de ceci. Et merci beaucoup, Bernard de Montréal. Alors, une pause de 20-25 minutes et on revient pour la deuxième partie. Les cassettes sont maintenant disponibles au kiosque.